Évariste, Ndiko Manyanga. Alphonse Koukiman de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce jeudi 21 février 2019, dont voici d'abord les principaux titres. Le premier vice-président de la République est ce jeudi devant le Parlement burundais. Gaston Sindimo est en train de présenter le rapport semestriel des activités réalisées par les ministères clés de la première vice-présidence. Vous aurez quelques détails au début de ce journal. Près de 50 maisons complètement détruites, des toitures d'une trentaine emportées par le vent. C'est le bilan provisoire des fortes pluies mêlées de vents violents qui se sont abattus ce mercredi en zone Buterere. Nous sommes au nord de la capitale économique de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura tranquillise les commerçants des marchés récemment réhabilités à Kanyosha et à Kinama que les travaux vont bientôt prendre fin pour qu'ils puissent y retourner très bientôt. Et la chronique justice de ce jeudi sera consacrée à la légitime défense avec les plus amples explications de maître Fabien Segatoua dans son entretien avec Alain Dédiré Boukienet. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, Alphonse Koukimana assure la mise en onde. Ouvrons ce journal par la page politique. Le premier vice-président de la République est ce jeudi devant le Parlement burundais. Gaston Sindimo est en train de présenter le rapport semestriel des activités réalisées par les ministères clés de la première vice-présidence. La radio Sanganiro a dépêché sur place Léonce Vitaliro. Est-ce que Léonce, tu nous entends? Oui, je vous entends, Évariste. Oui, qu'est-ce que M. Gaston Sindimo a déjà présenté comme réalisation des ministères clés de la première vice-présidence? Bon, il est le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo, comme vous venez de le dire, est en train d'expliquer le rapport des réalisations de 10 ministères de son ressort. Et pour le moment, c'est le moment des questions et suggestions de la part des parlementaires, députés et sénateurs. Évariste, il n'est pas possible pour le moment d'évoquer toutes les questions déjà posées, toutes les suggestions non plus, mais on peut citer celles liées en rapport avec la croissance démographique. 9 enfants, 10 enfants ou plus dans un ménage, c'est beaucoup, par exemple, selon le président même de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui propose qu'il y ait une réglementation à ce secteur. Autre question et ou suggestion, c'est celle en rapport avec les dettes du pays au sein de la communauté africaine. Les parlementaires, les députés et sénateurs se montrent préoccupés par la question et proposent qu'un processus sûr soit engagé pour que le Burundi puisse s'acquitter de ses dettes. Des cas d'ambassade du Burundi à l'étranger, on en a aussi parlé. Le Burundi a déjà des parcelles, ses propres parcelles, où il est en train de se construire des bâtiments d'ambassade à Dodoma en Tanzanie et à Addis Abeba en Éthiopie. Une bonne chose selon le président du Sénat qui souhaite que de tels bâtiments soient bien traités et bénéfiques pour le pays. Il propose d'ailleurs que le Burundi fasse de son mieux pour étendre ses partenariats avec d'autres pays pour que chaque Burundais puisse se sentir chez soi, là où il va, à l'étranger, un pays étranger, partenaire du Burundi. Je vous dirais, Évariste, c'est que les 10 ministères du ressort de la première vice-présidence de la République sont ceux de l'intérieur, de la sécurité publique, de la défense nationale, de la justice, de l'intégration du Burundi à la communauté est-africaine, le ministère de la bonne gouvernance, et celui de la décentralisation, celui du travail et de l'emploi, ainsi que le nôtre, à savoir le ministère de la communication et des médias. Et pour le moment, c'est encore le moment des questions. Il y a beaucoup de députés et sénateurs qui lèvent le doigt, qui veulent s'exprimer, qui veulent proposer leurs interrogations, leurs questions, mais aussi donner des suggestions. Je ne sais pas si tout le monde va avoir le temps, parce que dans l'après-midi, justement, aujourd'hui même, il y a une autre activité qui attend les deux chambres du Parlement. Merci Laurence pour votre couverture. Nous allons y revenir dans notre édition de la soirée. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons commerce à présent. Certains commerçants du marché de la zone urbaine de Kanyosha indiquent qu'ils travaillent à perte dans le marché provisoire. Ces derniers demandent que les travaux de réhabilitation de leur marché soient repris pour qu'ils y retournent. Le maire de la ville de Bujumbura tranquillise ces commerçants que bientôt ils pourraient intégrer leur marché, car la mairie de Bujumbura perd beaucoup de recettes du fait que son marché n'est pas fonctionnel. Les détails avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Nous sommes au marché Ilibedo Kanyosha. Les commerçants affirment qu'ils travaillent à perte dans le marché provisoire. Ils précisent que la vie devient de plus en plus dure. Parfois, il est so difficile, témoigne-t-il, de satisfaire les besoins de leur famille. Ils nous ont amené ici, mais on n'y trouve rien. On n'a même pas de clients. Ils nous ont encore demandé de déménager vers le marché de Kizingwe, mais nous avons refusé. On a décidé alors de rester ici jusqu'à ce que les activités de réhabilitation de notre ancien marché se terminent et qu'on y retourne. Tout va mal ici et nos enfants sont en train de mourir de faim. Pour ces commerçants, les autorités municipales devraient tout faire pour relancer les activités du marché. Nous demandons aux autorités municipales de redémarrer les travaux de construction de ce nouveau marché pour que ceux qui ont encore du capital puissent reprendre leur commerce. Le retard dans le versement des frais de construction des stands par les commerçants est, selon David Naisenga, commissaire de ce marché, la principale raison du blocage d'avancement des activités de réhabilitation. Les problèmes que nous avons pu constater. Premièrement, il y a une société à habilité pour construire des kiosques ici au marché de Kanyosha, mais ce qui a convenu avec les commerçants n'ont pas suivi les conditions pour construire ces kiosques dans cet marché. La perte n'est pas uniquement enregistrée chez les commerçants, mais également au niveau de la mairie. Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, qui le dit, tranquillise les commerçants de Kanyosha que bientôt ils pourraient retourner dans le marché. Nous avons discuté avec les commerçants de Kanyosha et nous pensons aussi avant la fin du premier trimestre, on pourra ramener les gens dans les marchés réhabilités. Vous savez que c'est la mairie qui perd, surtout les entrées, étant donné que le marché ne fonctionne pas. Parmi les sept marchés Zulibé, les Sama réhabilités à mairie de Bujumbura, c'est les mains de l'Esteno opérationnel de Kinahama et Kanyosha. Merci à Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Près de 50 maisons détruites, je vous le disais dans les titres, des toitures d'une trentaine de maisons emportées par les vents violents et le bilan provisoire des dégâts causés par des fortes pluies tombées hier en zone urbaine de Boutelele. Selon l'administration zonale, les sans-abri font savoir que la rivière Kinyangongi a débordé, inondant cette localité et demande une assistance humanitaire d'urgence. Les détails avec Moïse Misango qui s'est rendu sur les lieux. Les propriétaires de ces maisons sont pour le moment sans abri. Certains de leurs biens ont été emportés. Cet homme, sa maison est effondrée. Ok, l'état de notre parcelle, donc la maison a été détruite par la pluie violente. Et puis, bon, les matériaux qui se trouvaient dedans, certains ont été emportés par de l'eau. Et puis, je demanderai au gouvernement ou à l'état de pouvoir aider ceux qui ont été touchés par cet événement. Ces habitants de la zone Buterere indiquent que ce sont les eaux de la rivière Kinyangongé en provenance du quartier Tcharama qui menacent leur maison. D'abord, c'est Kinyangongé, nous sommes peut-être vers la fin de Kinyangongé. Bon, il est difficile de dire que ce sont des eaux qui de Kinyangongé seul, mais je pense que c'est de la combinaison des eaux qui viennent des montagnes. Lorsqu'il pleut, la peur règne sur les visages des habitants de cette zone. Les administratifs à la base indiquent que les inondations qui s'observent dans cette zone proviennent de Tcharama. Ahmad Masumbuko, l'un des chefs de quartier de cette zone, demandent une canalisation de la rivière Kinyangonge qui achemine les eaux en provenance de Tcharama. Au sein de l'administration de la zone Buterere, l'on indique que près d'une cinquantaine de maisons ont été détruites et les toitures d'une trentaine de maisons ont été emportées par le vent violent. Merci à Moïse Misago pour tous ces détails. Les femmes et les jeunes devraient savoir interpréter les lois qui les régissent pour bien appuyer à la paix et à la bonne gouvernance. Cela a été dit ce jeudi par le représentant légal de la dynamique socio-économique d'Inasco en sigle. C'était lors d'un atelier de sensibilisation de représentants de la population des deux communes Mouha et Nangwa sur le texte réglementaire au niveau communal. Raymond Caménero a fait savoir que ce choix a été opéré en se basant plutôt sur les communes de la mairie de Bujumbura les plus touchées par les perturbations sécuritaires qu'a connues le pays. Une courte pause avant de parler des nouvelles des provinces. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Cap sur la province Cibitoke où les représentants des associations des jeunes des provinces Bubanza, Bujumbura, Meri, Bujumbura et Cibitoke, appuyés par Reja, demandent l'appui de leur projet dans le but d'éviter les politiciens qui peuvent les conduire dans des activités de déstabilisation de la paix et de la sécurité. Alexis Ndaïregege pour les détails. Au moment où les politiciens se préparent aux élections de 2020, les jeunes appuyés par l'association Eja, représentant les associations des jeunes des provinces de Bubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare et Cibitoke, demandent l'appui de leur projet de développement. Avec ces appuis, ces jeunes affirment qu'ils ne seront pas déroutés par les politiciens en revoyant des pots de vin, les conduisant vers les actes de déstabilisation de la paix et la sécurité. Ces représentants des jeunes des associations n'ont ni pas qu'ils sont représentés dans les organes de prise de décision au Burundi, mais précise bien que ces jeunes des organes de prise de décision ne les représentent pas valablement, puisqu'il faut arriver dans ces instances, ils ne plaident pas pour le projet des jeunes. Au sein de l'association Reja, le chargé de programme, Sylvestre Chimlimana, conseille à ces jeunes de se solidariser en conjuguant les efforts et au moment, ils sont nombreux dans la société active du pays. Ces jeunes étaient regroupés par Reja en province de Tokyo pendant des jours depuis ce mardi dans le but de s'évaluer dans les activités déjà réalisées dans les projets appuyés par Reja. Depuis Cibitoke, Alexis Ndaïragije, Radio Isanganiro. De Cibitoke, rendons-nous en Ngozi où plus de 33 000 personnes ont reçu des extraits d'actes de naissance durant les quatre derniers mois de l'an 2018 en province, dans cette province du nord du pays lors de la campagne d'enregistrement tardif des naissances. Le contrôleur provincial de l'état civil dans cette province explique l'absence des fois des personnes au centre d'enregistrement par la forte affluence dès les premiers jours. Athanase Kibina-Kanoa invite néanmoins celles qui restent à venir le plus tôt possible avant de la fin de cette campagne de délivrance gratuite de ces extraits. Apollinaire Mozagara, correspondance. Les bénéficiaires de ces extraits d'actes de naissance sont ceux qui ont vu le jour après 1980, quand le service d'état civil au Burundi a été mis en place, mais qui n'ont pas été enregistrés depuis le début de la première campagne d'enregistrement tardif des naissances en août 2018 jusqu'à fin décembre de cette année. Environ 17 000 personnes sur les 44 790 identifiées n'étaient pas encore enregistrées parmi les raisons, d'après le contrôle provincial de l'état civil, l'absence des registres d'enregistrement qui ont été offerts par l'UNICEF au mois de janvier 2019, d'où la reprise de cette activité. Athanase Kibina-Kanoa demande à ceux qui n'ont pas encore répondu au rendez-vous de le faire le plus tôt possible avant la fin de cette campagne d'enregistrement gratuit afin d'éviter une amende de retard prévue normalement par la loi. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci à Apollinaire Mozagara de Ngozi. Rendons-nous à Gitega pour parler éducation. La province de Gitega compte organiser des tests provinciaux pour les lauréats des cycles afin d'accroître le taux de réussite lors des concours nationaux. Le directeur provincial de l'enseignement dit que lors des éditions de l'année précédente, cette province a affiché des résultats plus satisfaisants lors de l'examen d'État pour le concours national national, plus que le lauréat de l'école fondamentale. Bernard Ndabahagamye indique que ces tests provinciaux vont permettre à ces lauréats des cycles de bien préparer les textes nationaux. On l'écoute. Avoir le nombre des élèves qui échouent par des examens externes, surtout les tests nationaux, nous voyons qu'il y a un grand pas qui nous reste à franchir parce que nous avons un grand nombre d'élèves qui ne réussissent pas, que ce soit au niveau de l'ECOFO, que ce soit au niveau du post-ECOFO. Mais au niveau du post-ECOFO, si on regarde le classement national, on voit qu'on est un peu en avant puisque nous occupons cette année la troisième place. Alors malgré qu'au niveau de l'ECOFO, on est presque dernier, on occupe la 15e place. On est en train de chercher tous les moyens possibles pour avoir une amélioration. Par exemple, ce que nous envisageons, par exemple, pour ce deuxième trimestre, on a pris la décision qu'un enseignant va choisir un examen du deuxième trimestre, du troisième trimestre, même du premier trimestre pour ses élèves. Nous avons préféré que les examens soient choisis par les gens qui n'enseignent pas dans ces classes. Pour le premier trimestre, on a, à l'exception de la commune Gitega, dans les autres communes, les examens du premier trimestre sont choisis dans les réseaux scolaires. Mais pour le deuxième trimestre, tous les examens, c'est tout dans les classes terminales, donc pour les cycles. À la fin de chaque cycle, l'examen sera choisi au niveau provincial. C'est-à-dire qu'il y aura un seul examen pour les élèves de la deuxième année, de la quatrième année, de la sixième année et de la neuvième année. À chaque effet du cycle, il y aura un examen externe. Provincial. Que, oui, oui. Donc ce n'est pas un enseignant qui va choisir un examen pour ses élèves. Non, non. Ça sera choisi par une commission que vous allez mettre en place. Oui. Radio Isanganiro, chronique justice. Le non-respect des conditions de la légitime défense constitue éventuellement une infraction qui tombe sous le coup de la loi pénale. Cette règle est appréciable tantôt pour les personnes civiles, tantôt pour les personnes agents de l'ordre de sécurité. Maître Fabien Segatkoa explique que l'usage de la force pour repousser l'agresseur doit se limiter essentiellement à sauver la vie, sa vie ou la vie d'autrui. Les détails, c'est dans cette chronique dans l'intitulé Boukienèse. La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d'agression, ce qui sera considéré comme une cause d'irresponsabilité pénale. Les moyens utilisés doivent respecter certaines conditions et notamment les violences utilisées pour repousser l'agresseur doivent être le seul moyen pour se protéger. Nous en avons parlé dans la précédente chronique. La légitime défense a principalement pour but de sauver la vie humaine, explique Maître Fabien Segatoua. Les coups peuvent être dirigés contre vous ou peuvent être dirigés contre une autre personne parce que la loi aussi dit qu'il faut porter secours à personne en danger. Il y a des fois où, en fait, on se trouve en train de défendre ses propres biens. Le respect de cette règle s'impose pour les personnes civiles, mais également pour les forces de l'ordre. Un agent de l'ordre, par exemple, qui est agressé et qu'il voit que le seul moyen pour pouvoir s'en sortir est de tirer, eh bien, il tire. Mais il faut effectivement que la légitime défense soit proportionnée. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas armé, eh bien, on ne devrait pas employer une arme. C'est pour cela que la violation des règles de la légitime défense constitue une infraction réprimée par la loi pénale. Celui qui a porté les coups alors qu'il ne devait pas les porter, celui qui a tiré alors qu'il ne devait pas tirer, évidemment, il est responsable de ses actes. Parce que finalement, la légitime défense, c'est employer des moyens illégaux pour repousser d'autres moyens illégaux. Maître Fabien Segatoua précise certaines infractions qui peuvent être éventuellement commises en violation des règles de la légitime défense. Par exemple, si vous avez employé une arme pour vous défendre, que vous tuez la personne, alors que normalement ce n'était pas proportionné, à ce moment-là, on va vous accuser d'homicide involontaire tout au moins.